Écoute-moi. Ça, c'est la Marseillaise. Trop bon ça. Version. Tu mets ça dans les stades, ça sera mieux déjà. Non, ça peut pas être moi, non. J'ai pas le niveau. Allez, je le remets. Allez. Toi, tu peux le faire ça. Alors, il a l'air de marcher ton PC là maintenant. Oui. Allons au fond. Hein, ton PC a l'air de fonctionner là. C'est qui ce gratteux là? Vas-y, dis-moi tout là. C'est qui le gratteux? Alors attends, c'est qui m'a donné ça? C'est qui le gratteux qui fait la Marseillaise? T'as trouvé ça où? Je sais pas, alors c'est... demande à Phil, c'est lui qui m'a filé ça. Attends, c'est marqué quoi? Ah, tu sais pas qui c'est? Bon, ben je demanderai à Phil. Ouais, c'est lui qui va te le dire. Il m'avait envoyé ça un jour. La nouvelle Marseillaise, c'était sur YouTube. Je cherche la nouvelle Marseillaise sur YouTube. Ils sont passés où les autres là? Oh, sinon, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau son? Parce que j'ai le pod HD là. T'as pas trouvé un changement dans mon son? Vas-y. Je te remets la batterie. Bah, je sais pas, ouais. Je les ai frayés quand je faisais du Led Zepp, ça a pas scotché. Puis après j'ai fait un peu de Massim, ça les a effrayés. Je te remets la batterie. Bon, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau son là? J'ai le pod HD là, ça a l'air de marcher bien là, mon usine à gaz là. Bah t'as écouté, t'as entendu là, t'as trouvé un changement dans mon son de guitare. Vas-y, joue. Mais non, mais t'as entendu tout à l'heure ce que t'as entendu, c'est bon ou pas? Ah bah j'ai pas... Excuse-moi, mais je me suis pas concentré tout à l'heure. Faut que tu rejoues. Bon, allez. Je me suis pas concentré sur le truc tout à l'heure. Elle était à l'ouest ou quoi? Je te pose une question. Quand on a fait Led Zeppelin tout à l'heure, le rock là, c'était un peu du Led Zepp. Le son, il te plaisait ou pas? Attends, je vais l'écrire, ça va plus vite. Ah. Je vais l'écrire, ça va plus vite. T'es à l'ouest. Non, je suis pas à l'ouest. Il a neigé, clairement. Hein. Ouais, il neige en plus. Ouais. Oui, c'est vrai, il neige. Il neige en plus. Comment t'as deviné? J'arrive plus à caler. Attends, je vais caler la pas mal, hein. Thank you.

ça vous inspire pas ça. C'est autre chose qu'on m'a très bien. Yeah. Je vais voir ce que je fais. cette version. C'était trafiqué.